Méline par André Theuriet. Bien que séparés par une longue forêt, les villages de Hacourt-le-Sec et de Chaudes-Fontaines semblent être à 20 lieues l'un de l'autre, tant la vie qu'on y mène est différente. Le premier s'étend en plaine, sur la hauteur, le second s'éparpille à la lisière des bois, le long d'une claire rivière lorraine, la Muanne, qui court à travers de grasses prairies. Hacourt est un pauvre pays de culture, on y trime dur à faire pousser le blé. On ne s'y amuse guère et le curé y a prohibé la danse. Chaudes-Fontaines est riche, on y festoie volontiers, on y pêche, on y chasse et on y danse le dimanche. Naturellement, en bon voisin, les deux villages se jalousent et se détestent de tout leur cœur. À Hacourt-le-Sec, la dernière maison de la rue qui dévale vers les bois était celle du père Chalopin, plus connu sous le nom de Doudou. Une maison de cultivateur avec 2 pièces habitables, écurie, engrangement et de plus un jardin potager, un mai où ne fleurissent guère que des giroflées au printemps et des rosiers à 100 feuilles en juillet. Doudou était un petit homme robuste et trapu, éternellement coiffé d'un bonnet de coton sous lequel souriait finaudement une figure rasée, à l'expression narquoise et papelarde. Il avait été joli garçon, et il lui en restait encore quelque chose. 2 yeux luisants et une bouche en cerise qui s'ouvrait volontiers pour geindre ou flagorner. Possédant 2 chevaux, il gagnait sa vie à faire des charrois pour les gens du village. Le reste du temps, il cultivait son terrage, ou plutôt, il le laissait cultiver par ses 2 garçons et sa femme Mantine, une grande gaillarde forte comme un cheval, bonne comme du pain, et qu'à cause de sa grande taille, on avait surnommée Pousse-Nuée. Tout ce monde-là piochait ferme. Quant à Doudou, habitué aux flâneries et aux buveries des charroyeurs qui sont continuellement sur les routes, il se contentait de travailler de la langue et des mâchoires, mais il s'entendait merveilleusement à faire travailler les autres. Une seule personne de la famille n'allait jamais au champ, c'était Méline, la dernière fille et la préférée de Pousse-Nuée, qui la mignotait et la gâtait à plaisir. Elle avait été à l'école des sœurs, et elle en était sortie à 15 ans, si mignarde de façon, si allurée d'esprit et si gentille, que la mère n'avait pas voulu qu'elle s'abîmât le tempérament à monder l'étable ou à cultiver la terre. Elle gardait la maison, et comme elle était très adroite de ses doigts, elle brodait pour un magasin de la ville où elle taillait des robes pour les femmes du village. Aussi avait-elle le teint frais, des mains de demoiselle et des goûts de coquetterie à l'avenant. À 18 ans, Méline était une jolie fille, assez grande, blanche de peau avec de légères taches de rousseur sur les joues et sur le front. Souple de taille, la poitrine étoffée, elle avait les yeux luisants, le nez fin et la bouche en cerise de son père. Ses cheveux blonds, frisant naturellement, s'envolaient en boucles folles sur la nuque et sur les tempes, et elle-même, comme sa chevelure, semblait disposée à s'envoler, ayant toujours le pied levé quand il s'agissait de prendre du bon temps. Sa réputation d'habile couturière s'était répandue au-delà du village. On la demandait aux environs, et elle allait souvent en journée à Chaudes-Fontaines. L'endroit lui plaisait. Les femmes y étaient plus coulantes et les garçons moins balourds que chez elle. Aussi inventait-elle d'ingénieux prétextes pour y passer le dimanche et pour y rester au bal du soir. Elle s'en revenait à la nuitée, reconduite par quelques danseurs. Il y a une bonne lieue de bois entre les 2 villages, et comme elle était fort sémillante, comme les chasseurs de Chaudes-Fontaines ne passent pas pour gens timides, les mauvaises langues prétendaient qu'elle laissait chaque fois un lambeau de sa sagesse dans les taillis. Quoi qu'il en soit, elle devint chaque jour plus fringante, plus coquette et plus gourmande de plaisir. Ses façons finirent par scandaliser les gens de Hacourt, et le curé, un dimanche, s'en plaignit au prône, ce qui mortifia très fort la mère Chalopin, mais ne modifia nullement les allures de sa fille. Elle ne s'inquiéta des remontrances du curé que pour s'en irriter. « De quoi se mêle-t-il ? » répondit-elle aux doléances de Pousse-Nuée. « Si on continue à être ainsi sur ma fraissure, je me donnerai de l'air. Voilà tout ce qu'on y gagnera. » Elle se sentait pousser des ailes, s'ennuyait à mourir dans ce trou de Hacourt et souhaitait tout bas que quelque amour huppé l'en fît sortir. Les désirs de la belle fille furent satisfaits plus tôt qu'elle ne l'espérait. À l'automne, des Parisiens qui avaient loué la chasse de la forêt domaniale vinrent s'installer à l'auberge de Chaudes-Fontaines. L'un d'eux, riche et joli garçon, remarqua Méline, la galantisa. Il sut si bien jouer de la prunelle, si bien lui tenir la dragée haute, qu'il fut assez fou pour l'enlever. Un beau matin, le village apprit que la fille à Doudou s'était enfuie à Paris avec son galant. Quand le père Chalopin revint de l'une de ses tournées, il trouva l'oiseau envolé et Pousse-Nué qui se lamentait dans la maison vide. D'abord, il jura, s'aboula sa femme, se répandit en invectives contre la coquine et son séducteur, et parla de mettre la gendarmerie à leur trousse. Puis, il parut céder aux remontrances de Mantine, qui le suppliait de n'en rien faire à cause du scandale. « Elle se repentira, » protestait la bonne femme. « Bien sûr, elle reviendra d'elle-même. »« Qu'elle s'en donne de garde !» vociférait l'implacable Doudou. « Que jamais elle ne reparaisse devant moi. Aussi vrai que voilà le jour, je la décarcasserai de mes propres mains. C'est une honte. Ah, que j'ai donc de mots, Seigneur Dieu, d'être le père d'une pareille dévergondée. » Là-dessus, le désolé Chalopin geignait et pleurait à fendre l'âme. Il maudissait la coupable. « Je la renonce pour ma fille, » protestait-il énergiquement. « Je ne veux plus en entendre parler. » Et il fut servi à souhait, car Méline ne donna plus de ses nouvelles. Chacun reprit ses occupations, et sauf la pauvre Pousse-Nuée qui avait toujours le cœur navré. Personne bientôt ne songea plus à celle qui avait si prestement jeté son bonnet par-dessus les chênes de la forêt de Hacourt. 5 ans se passèrent, pendant lesquels les destinées, la fortune de Chaudefontaine changèrent miraculeusement. Ainsi que son nom l'indique, ce village avait possédé jadis une source minérale d'eau chaude. En creusant à la base de la colline, on trouvait même encore les substructions d'un antique bain romain, et un jour, en fouillant ces ruines, un paysan y découvrit la source depuis longtemps perdue. Grande rumeur chez les antiquaires du département. Un spéculateur réussit à capter la source et de plus, sut aussi capter les fonds de plusieurs gros capitalistes. La réclame s'en mêla, de grands journaux vantèrent l'efficacité des eaux minérales retrouvées, bref, un établissement thermal fut créé à Chaudefontaine. Une grande dame, fourlancée dans le monde parisien, essaya des bains de Chaudefontaine, s'en trouva bien, et les patronna. Le site agreste et un peu sauvage, le voisinage des bois, les eaux poissonneuses de la Muanne, attirèrent les touristes et les amateurs de sport. En moins de 2 ans, l'établissement devint à la mode. On y bâtit un casino en forme de temple grec, où on installa des petits chevaux. On construisit les chalets au bord de la rivière, et bientôt la population de Chaudefontaine fut doublée. Les gens de Hacourt eux-mêmes, malgré leurs préventions, désertèrent le plateau pour y venir chercher fortune, et Doudou Chalopin fut l'un des premiers arrivants. De charroyeur, il s'était fait loueur de chevaux et de voitures à Chaudefontaine, où il exploitait avantageusement les touristes pendant la saison. Une après-midi, après avoir conduit des voyageurs à la station voisine, il avait fait halte dans une auberge où se réunissaient les gens de service du casino. Il était en train de vider une chope quand un homme de Hacourt, qui était devenu garçon de bain, l'interpella en plein cabaret. « Dites donc, père Doudou, y a-t-il longtemps que vous n'avez eu des nouvelles de votre fille ?» Césarin, répliqua dignement Doudou en déposant sa chope, vous êtes un maladroit. Vous devriez savoir que cette malheureuse ne m'aime plus rien, et que je ne veux plus qu'on me parle d'elle. Vous lui en voulez donc toujours? Si je lui en veux, s'écria-t-il en s'échauffant, après les mots qu'elle nous a faits, et le mauvais renom qu'elle a jeté sur nous. Ah, la gueuse, que je ne la rencontre jamais, car aussi vrai que voilà un verre, je l'étranglerai de mes propres mains. Eh bien, reprit l'autre en ricanant, vous pouvez vous donner cette satisfaction-là à votre loisir, car elle est ici. Ici, qui ça? Méline? Méline en personne. Je l'ai vue aujourd'hui au casino. Elle est bien nippée, je ne vous dis que ça. Il paraîtrait qu'elle vit avec un prince russe. Ils ont loué le chalet de Beauregard et elle se fait appeler la comtesse de La Roche. Comtesse? Jura Doudou estomaqué. Je t'en ficherai, moi, des comtesses, à la gueuse. Est-il possible qu'elle ait le front de venir étaler son déshonneur dans son propre pays? Attendez, je vais lui régler son compte, ça ne sera pas long. Après avoir humisé son cheval et avalé un petit verre de marc pour se donner du courage, Doudou courut tout fumant vers le chalet Beauregard. Mais à mesure qu'il s'en approchait, sa colère s'évaporait pour faire place à des réflexions plus prudentes. Comment Méline allait-elle le recevoir? Elle ne l'avait jamais beaucoup respecté. Et maintenant qu'elle était riche, elle l'enverrait promener pour sûr. Qui sait? Peut-être était-elle à la veille de se faire épouser par son russe. C'était une fine mouche. Et dans ce cas, peut-être y aurait-il moyen d'arranger les choses en douceur. il se raffermit en arrivant devant le chalet et demanda à la comtesse de la Roche à un grand diable de valet qui flânait sur l'escalier. « Dites-lui que je viens de la part de Doudou Chalopin, » murmura-t-il au larbin récalcitrant, « et je vous promets qu'elle me laissera entrer. » En effet, au bout de 2 minutes, on l'introduisit dans un petit fumoir tendu de nattes et garni de divans. Doudou et Bobby regardaient le lustre de cuivre, les tapis, les portières, les potiches pleines de fleurs, et sa grande colère tombant à mesure. « Faut tout de même, » pensait-il, « que le métier qu'elle fait lui ait crânement réussi pour qu'elle soit aussi cossue que cela. » Et cette réflexion lui imposait une certaine crainte doublée d'une vague convoitise. Ce fut bien pire quand il vit entrer Méline en peignoir de peluche bleue, superbe, éblouissante de blancheur, avec des diamants aux oreilles, aux mains, jusque dans les cheveux. Elle parut assez ennuyée de le trouver là, planté au milieu du fumoir, et elle fronça les sourcils. « Hein? C'est vous ? » dit-elle du bout des lèvres. « Est-ce que vous habiteriez Chaudefontaine par hasard ?»« Oui, » répliqua-t-il vexé de cet accueil, et jugeant à propos de se ressouvenir de son rôle de père indigné. « J'y demeure, et ça m'a donné un coup d'apprendre que tu y étais venu après ta honteuse conduite d'il y a 5 ans. « Ah mais dites donc, » interrompit-elle impatientée, « pas de scène, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas content, prenez la porte. Malheureuse, peux-tu parler ainsi à ton père? Il faut que tu n'aies pas de cœur pour oser te remontrer dans le pays. » « Si ça vous gêne, vous n'avez qu'à retourner à Accour. »« Seigneur, » se lamenta Doudou de son ton géniard, « faut-il être au monde pour s'entendre traiter un là par sa propre fille? Et avec quoi y retournerai-je à Accour? Nous nous sommes saignés aux 4 veines, moi et ta pauvre mère, pour nous établir ici. Ah, misère de misère !» Tandis qu'il geignait, la belle Méline réfléchissait que ce serait bien gênant pour elle et le prince d'être exposée à rencontrer à toute heure les membres de sa famille, et brusquement, regardant son père en face. « Combien vous faudra-t-il pour plier bagages et rentrer à Accour ?»« Combien d'argent ?» balbutia Doudou, avec un chatouillement au cœur. « Est-ce que par hasard tu voudrais nous faire partir d'ici en nous indemnisant 100 ans ?»« Oui, combien ?» répéta-t-elle durement. « Dame, il nous faudrait au moins 2000 écus. Et encore, nous y mettrions de notre poche. » Elle disparut dans une pièce contiguë et rentra au bout de quelques minutes. « Voici 3000 francs, » reprit-elle en tirant 3 billets de banque d'un porte-monnaie où en fille prévoyante, elle en avait préalablement mis 4. « Quand vous serez à Accour, je vous ferai compter le reste, pas avant. » Doudou avait pris les 3 billets et les pliait, rêveur, tout en regrettant de n'en pas avoir demandé davantage. Néanmoins, il était maté. « Suffit, » murmura-t-il, « je vois que tu n'es pas une mauvaise fille. On s'en ira, seulement, maintenant que nous avons fait la paix, « je voudrais te demander une chose. Ta pauvre bonne femme de mère ne passe pas un jour sans pleurer toutes les larmes de son corps en pensant à toi. Si tu étais gentil, tu ne nous laisserais pas partir sans l'embrasser. » Méline se sentit brusquement attendrie. « Soit, » dit-elle, « menez-moi jusqu'à votre porte. » Elle s'enveloppa d'un manteau et le suivit dehors. Le crépuscule tombait quand ils atteignirent le logement du père Chalopin. Arrivé près de la porte, Méline s'arrêta. Priez-la de venir ici, demanda-t-elle. Je ne me soucie pas de voir les autres. Doudou entra. Au bout d'une minute, la grande pousse nuée se précipitait au cou de Méline et l'étouffait de baisers. C'est donc toi, sanglotait-elle, ma pauvre gâchette, ma mignonne. Bah, on t'aime toujours, malgré tout. Méline, très remuée, lui rendait ses caresses. Tout à coup, elle songea au prince, qui devait s'impatienter et s'arrachant des bras de la vieille paysanne. « Il est tard, » balbutia-t-elle. « Il faut que je rentre. Adieu, maman. » Tandis qu'elle s'éloignait précipitamment, Pousse-Nuée s'était affaissée sur une borne renversée et pleurait tout bas. Doudou courut vers sa fille. « Tu vois comme elle t'aime, » dit-il en larmoyant à son tour. « Elle s'en rend malade. Tu es une bonne fille. Et tu ajouteras bien 1000 pour la petite bourse de la pauvre femme. Hein, Méline, tu feras ça pour elle. » Elle fouilla dans sa poche, prit son porte-monnaie, il lui mit dans la main le billet qui restait, puis elle se sauva. Ainsi s'achève Méline par André Theuriet.